pendant deux heures des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Voici, écoutons-la donc, la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons la la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de moi-même, Mathieu Plante, animateur, / méga vedette de C'est fou. Chaque semaine, dans le fond, vous entrez dans mon cerveau. Je passe de la musique que j'ai envie de passer. Pourquoi pas se donner un petit peu de plaisir chaque semaine, tu sais. Hein? C'est pas du tout des mauvais jeux de mots que j'aime faire comme ça. Dans le premier bloc de l'émission d'aujourd'hui, il va y avoir des succès, des palmarès des années passées. Il va y avoir Dragonette, on va précéder ça de la Baroque Machine, mais on commence avec Jack G. Marinovich de leur album Jackorama. Voici En Dessous, tout de suite, écoutons la non, la chanson. Les cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Ou elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calme et tendre. Elle est sûrement aussi, mais pas dans ces moments où elle est plutôt tendue. Il y a du verre qui se casse. Ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Et elle marche comme si on lui marchait sur la tête. Elle hurle comme si on lui marchait sur les pieds. Les filles ils sont dangereux, je me sens bien parmi eux. Les nids volent, ne me pose aucun bémol. Les félins sont dangereux, je me sens bien parmi eux. Mais voilà l'autocar. Est-ce que je pars ou bien je les accompagne? Je sais qu'il se fait tard, mais j'aime trop le champagne. Je sais qu'il se fait tard, mais j'aime trop le champagne. Hey, les nids folles ne me posent aucun bémol. Les félins sont dangereux, je me sens bien pas. Je me sens bien parmi eux. Dragonette et I Get Around de leur album Galore. C'est un vieux succès des palmarès de C'est Fou. Juste avant, c'était deux autres succès, La Baroque Machine avec Tar l'Autocar et Jack G. Marinovitch avec En Dessous. Vous êtes à Écoutons la Donne Chanson, qui est l'émission qui vous permet d'entrer dans ma bulle. Hein? Mathieu Plante, animateur des palmarès C'est Fou et du poste d'écoute. Animateur Mégavedette. C'est comme un long titre. Le prochain bloc, il va y avoir de Steels, du téléphérique. On commence avec Méta Gruau. Voici une nouvelle entrée du palmarès. C'est Fou, Tibia Sauvignon. Écoutons la don. La chanson. Yeah. Aussitôt je défends, il retourne la place dans l'oubli. Je ne manque de rien quand je m'ennuie. Me sale en verre et je regarde tout ce qui m'appartient et je m'applaudis. The Stills et Snake Charming the Masses de leur album Oceans Will Rise. Justement, c'était téléphérique avec Lego System. On a commencé avec Tibia Sauvignon de Métagruau. Donc, la première et la dernière étaient sur les palmarès en ce moment. Et puis, Lego System, c'est un classique. Mm-hmm. Vous êtes à Écoutons la Don la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de Mathieu Plante, l'animateur vedette de C'est fou. Dans le prochain bloc, il va y avoir... Je ne m'attendrai jamais de dire ça, d'ailleurs. Dans le prochain bloc, il y a Gatineau, il y a El Motor, mais on commence avec Chinatown. Écoutons la don. La chanson... L'amour, le rêve et le whisky ne me feront rester ici. J'écoute la radio locale en m'éloignant de mon réel. Ton visage se mêle au paysage, tout est pêle-mêle dans ce monde sans âge. Je sais bien que toujours je pense. Je penserai mon cœur malade, enfonçant vers d'autres façades. Je ne sais pas comment te dire que je n'ai plus rien à te dire. Je prends mon taxi pour l'Asie, ton souvenir qui s'évanouit. Je cherche les sensations fortes, les exits au-dessus des portes, le réconfort dans les bunkers et les tempêtes dans les speakers. Je sais bien que toujours je penserai mon cœur malade, enfonçant vers d'autres façades. We'll be right back. comme on veut, les serpents de la farce, le fioul, il se brutal, je vois ici le concours des moules. J'arrête, j'ai de la réplique, le pirate ma boule, je vais prendre ses bosses comme une grosse paix de. Tu veux me faire ta tête, t'es mieux de te lever à la dépouille. J'suis comme le Sparrow de l'Underground. J'rappe ce que le monde aime d'habitude par town. Mes petits gays sont mes adversaires cash out. Justice de métier plus en plein de monde. Quand j'suis sous stage, personne sait quoi ça donne. J'trouve ça agressif pis réactif qu'un gosse à pack down. J'ai plein de mal à que programme on déferme. Tu parlais sans partie mais surtout apprendre. Brutal, B.R.U.T.O.L. J'ai le droit d'en famille, comme arrière-grand-père. Quand je pars jouer du mon père, c'est sur le portail. Je perds un pourcentage public avec mes parents salaires. C'est pas grave, je rappe pas juste pour faire applaudir. En m'entendant, Michael reste encore plus pour lire. J'emprunte des voix que l'on aime mieux pour franchir. Dans une voix de coupe de vieux tabou de même ça brûler. J'ai le temps d'en masculin, car la mort est court. Gatineau, ouais, écoutons là dans la chanson, c'était pas merveilleux, ça c'était la pièce chanteur masqué, c'était précédé de El Motor avec Vive l'automne et de Chinatown avec Secousse, c'est un bloc palmarès francophone. Mmh, écoutons là dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de moi-même Mathieu Plante. Mmh. En passant, vous pouvez aller voir le www.unechance.com pour savoir quelle pièce joue dans l'émission et pour télécharger l'émission en balado-diffusion. Écoutons là dans la chanson se trouve au www.unechance.com. C'est aussi le site pour mes autres émissions, le poste d'écoute les vendredis matins à 10h où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble et les palmarès c'est fou les vendredis soirs à 17h, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. N'était-ce pas une merveilleuse présentation de mes émissions, ça? C'était génial. Dans le prochain bloc, il va y avoir plein de bonnes choses, mais on commence avec Galaxy. Voici une pièce de leur album Le Temps au point mort. C'est Big Bang! Écoutons là donc la chanson. We'll be right back.

I'm a robot, it creeps me out. Écoutons la dernière chanson. Juste avant, c'était Thelma and Louise de Horror Pops. On a débuté ça avec Big Bang de Galaxy. Leur album s'appelle Le Temps au Point Mort. Vous êtes dans l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Mathieu Plante, c'est ça, c'est le concept. C'est juste moi qui passe des musiques n'importe comment. T'sais. Ça fait changement du poste d'écoute où je passe que des nouveautés ou les palmarès où je passe seulement de la musique de palmarès. Ici, je passe beaucoup de palmarès, mais aussi beaucoup de musique que j'aime en général. Et dans la deuxième heure, c'est ce qu'il va y avoir. Pour l'instant, on va presque terminer cette première heure de écoutons la don la chanson, disons ça comme ça. Voici Bonjour Brumaire et ça te bête. Je me fais rire, tu sais. Faut pas prendre ça mal. Je me fais rire. Je dis n'importe quoi, tu sais. Mais j'aime ça. C'est fou 89 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. Cette bête coule dans mes veines ce soir. Cette bête me fait te dire que l'espoir a foutu le camp en portant sous ses ailes les dernières braises allumées. Voilà un temps. Cette bête crie ton nom sans le vouloir. Cette bête ne détournera plus son regard. Je ne suis pas ton sauveur ni ton ange gardien. Je sais juste que sous ta peau je me sens bien. Tous les cris pour ne pas lutter à en perdre haleine, ne plus s'ébattre à en perdre haleine. Les lueurs dehors seront les témoins. Aussi claire soit-elle ce soir, la ville ne dit rien. Ce soir, cette bête me fait te dire qu'il est tard, que les cendres, les couronnes et les longs serments soient les derniers chapitres d'un mauvais roman. Tous les signes au loin. dans tes veines ce soir, cette bête coule dans nos veines ce soir, cette bête coule dans nos veines ce soir. Bonjour Brumaire et cette bête de leur album De la nature des foules. C'est déjà la fin de la première heure d'Écoutons la chanson. On s'en va et puis on revient dans quelques minutes à peine avec de la bonne musique. La deuxième heure, on va commencer avec un bloc du palmarès anglophone. Il va y avoir The Creepshow, The Fratellis et Be Your Own Pet. Donc restez avec nous au 89.1 FM. C'est fou ça! Directement de votre Radio Campus à Trois-Rivières, voici la deuxième heure d'Écoutons-la donc, la chanson. Bon retour, c'est la deuxième heure d'Écoutons la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de Mathieu Plante. Ça, c'est moi et je suis l'animateur / méga vedette de C'est fou. Est-ce que je dois vous dire à chaque fois? La deuxième heure va commencer avec un très très bon bloc. Vous allez voir, c'est adorable. On va entendre The Creepshow, on va entendre The Fratellis, mais on commence avec Be Your Own Pet et c'est dans un bloc palmarès anglophone. Tout de suite, écoutons la chanson. Yeah. ship, yes, what ship would you be? Taken to the ground as it burns. Air always call out into the night. Live through the sounds. We can't see an ending in sight. City will never be the same. The Creep Show et Rumor Radio, ça vient de leur album Run for Your Life, c'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou. Même chose pour les deux autres pièces de Fratellis avec My Friend John. Et on a commencé avec Be Your Own Pet et The Kelly Affair. Vous êtes dans Écoutons la don, la chanson, l'émission où je vous permets d'entrer dans mon intimité. Je passe de la musique que j'ai envie d'entendre, ça peut être la musique de palmarès, ça peut être la musique que, je sais pas, que j'ai tiré de mon ordinateur, de CD que j'ai chez moi. C'est le fun, c'est comme ça. C'est rien du tout dans le fond, cette émission-là, c'est juste, on lance ça. Puis, ah ouais, donc, écoutez ça. Hein? Je dis, écoutons la don, la chanson. C'est le titre dit tout. Hein? C'est rare de nos jours. Assez fou, particulièrement. Donc, dans le prochain bloc, ben, en fait, je vous réserve des surprises. Des surprises. On commence avec Chocolat. Voici Albertine. Tout de suite, écoutons la don, la chanson. C'est fou.ca pour nous écouter en direct, online. J'étais capitane d'un yacht fabuleux. J'ai flambé ma fortune pour oublier tes yeux. J'quêtais ta présence comme une île clandestine. Mon herbe orientale, ma belle Albertine. Noyé dans les vagues, l'ennui endémique. J'espère te trouver au sud de l'Argentine. Mon infusion finale, ma belle Albertine. That matters, taking matters into your own hands. Soon I'll control everything. Hey! My wish is your command. Stand back, everyone, nothing here to see. Just imminent danger in the middle of it, me. Yes, Captain Hammer's here, hair blowing in the breeze. The day needs my saving expertise. Man's gotta do what a man's gotta do. Seems destiny ends with me saving you. Only do that's blooming means you loving me today. I'll give you a second to catch your breath. Thank you, Hammerman. I don't think I can explain how important it was that you stopped the band. I would be splattered, I'd be crushed under debris. Thank you, sir, for saving me. Don't worry about it. A man's gotta do what a man's gotta do. Are you kidding? Team's destiny. What heist were you watching? You. Stop looking at her like that. When you're the best you did can you notice best that he threw you in the garbage? Kicking some ticking bomb. I stopped the van. The remote control is in my hand. The doom that's looming on you, whatever. So please give me a sec to catch my breath. Balls. Dolt with half a brain can see that humankind has gone insane to the point where I don't know if I'll upset the status quo if I throw poison in the water main. Listen close to everybody's heart and hear that breaking sound. Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. I cannot believe my eyes, how the world's filled with filth and lies. But it's plain to see, evil inside of me is on the rise. Look around, we're living with the lost and found. Just when you feel you've almost drowned, you find yourself on solid ground. And you believe there's good in everybody's heart. Keep it safe and sound. With hope you can do your part to turn a life around. I cannot believe my eyes. Is the world finally growing wise? Cause it seems to me some kind of harmony is on the rise. Anyone with half a brain could spend their whole life howling in pain. The things that I'm the dark was everywhere and Annie doesn't seem to care. That soon the dark in me is all that will remain. Listen close to everybody's heart and hear that breaking sound. Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. I cannot believe my eyes, how the world's finally growing wise. But it's plain to see, plain to see evil inside of me. On the rise. Oh, you can have it all and wrap it in the world. You can have everything. You can have love and lots of other things to make you think. But when it all comes down to you, girl, yeah, no matter what you do, take a look at yourself and realize I've been good to you. I've been good to you. Say what I did say. Et une très très bonne pièce de leur album Kong, c'était See the Sun, c'est la pièce qui ouvre cet album. Et juste avant, c'était trois pièces de Dr. Horrible's Sing Along Blog, une comédie musicale diffusée sur Internet. C'est un film d'environ 45 minutes. C'est très, très, très bon. Le CD est entré dans le palmarès des CD les plus vendus au Canada, donc ça marche beaucoup. Sinon, ben, vous pouvez télécharger et écouter ça sur Internet. Donc, allez sur YouTube, tapez ça, Dr. Horrible. Sinon, allez sur iTunes, achetez, hein, achetez. Et le DVD devrait sortir vers la fin de l'année. Donc, c'est Dr. Horrible's Sing Along Blog avec Neil Patrick Harris. On a commencé avec les pièces A Man's Gotta Do et A Man's Gotta Do reprise. Et ensuite, c'était On the Rise, deux de mes pièces préférées. Mais en fait, disons que le top est pas mal juste des numéros 1 pour moi, dans mon estime, dans Dr. Horrible. Voilà donc pour ce bloc enchanteur d'Écoutons la Don, la chanson. J'aime ça passer de beaux moments comme ça avec vous. Je vous rappelle qu'on est toujours en direct les lundis matins de 10h à midi. Et la case horaire de la rediffusion a changé cette semaine. Donc, vous allez pouvoir nous entendre les mercredis à partir de 13h. Hein? Mercredi, 13h. Sinon, en direct lundi à 10h. Allez voir le cifou.ca pour tout savoir sur l'émission. On commence le prochain bloc avec le nom. Voici le Nouvel Ordre Mondial à CIFU 89.fm. C'est la radio campus de Trois-Rivières. La radio autrement. Le Nouvel Ordre Mondial, c'est pleurer sans se faire mal. C'est des bombes qui tombent comme la neige tombe. Des corps couverts de neige. Thank you.

Nouvelle entrée dans les palmarès de C'est fou du côté anglophone, c'était Roll It All Down For You de Elliot Broad. Ça vient de son album Mountain Meadows. Album est le mot que je cherchais. Justement, c'était MC Frontlot avec Bizarro Genius Baby, une pièce que j'aime beaucoup d'un artiste absolument génial. Et au début du bloc, c'était Le Nom avec Le Nouvel Ordre Mondial. Vous êtes dans Écoutons dans la chanson. Je vous rappelle le site web de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, vous allez retrouver tout ce que je fais jouer à l'émission et la balade de diffusion à chaque semaine. Même chose pour l'émission que j'anime le vendredi matin qui s'appelle Le Poste d'écoute. Ça, c'est l'émission où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. On reçoit des CD dans des boîtes et on les passe en ondes l'une après l'autre. C'est le fun. Et puis, les palmarès, c'est fou. Ça, c'est les vendredis soirs. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Et d'ailleurs, pas mal de musique que je passe aujourd'hui fait partie des palmarès, c'est fou. Donc, écoutez les vendredis soirs si vous voulez entendre les 30 chansons des palmarès. Voilà. On commence le prochain bloc tout de suite. Voici la formation. Le volume était au maximum avec justement une pièce qui est dans le palmarès. C'est Amanda. Écoutons-la donc, la chanson. Just a 21 person valley.

Très bonne façon de terminer cette émission. Écoutons la dernière chanson. C'était Dandy Wind avec Battle of Verdun. C'est une pièce du palmarès anglophone. Ça vient de l'album Yoke of the Golden Egg. Et justement, c'était Old 97s avec The Fool. Une bonne vieille pièce de l'album Blame It on Gravity. C'est déjà la fin, malheureusement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct lundi à partir de 10h. On est en rappel les mercredis maintenant à partir de 13h. Nouvelle case horaire pour la rediffusion d'Écoutons la dernière chanson. L'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de Mathieu Plante. Ça, c'est moi. C'est l'animateur du poste d'écoute et des palmarès assez fous. D'ailleurs, plugons-les, comme on dit. Le poste d'écoute, c'est l'émission où on découvre les nouveautés musicales. Ça se passe les vendredis matin à partir de 10h. Et les palmarès assez fous, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ça, c'est les vendredis soirs à partir de 17h. Allez voir le site de C'est fou pour tous les renseignements que vous méritez. Hein? C'est le www.cestfou.ca. Et allez voir le site de l'émission pour télécharger la balado-diffusion et savoir ce qu'il y a joué. Ça, c'est sur le www.unechance.com. Mais il y a un lien sur le cestfou.ca si vous ne vous retrouvez pas. Cestfou.ca, c'est la seule adresse que vous avez à retenir. Moi, ben, je vous dis au revoir. Et je vous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est une déclaration que je vous fais comme ça. Je fais pas ça souvent, mais tiens. J'avais envie de vous dire, je vous aime. Bonne semaine, là. Bye, bye.